dilué dans la vie du peuple. Il s'en bat les baloches, il gueule sur tout le monde et refuse le dialogue. Sa mère a craqué, sa femme a pleuré, sa fille a flippé. Une putain de vie qu'il fallait clipper. Chaque jour réveillé du pied gauche, mes sauts d'humeur me sont reprochés. Mes proches ont la pétoche de ce qui tourne dans ma tronche, que je pète un plomb. Trébuchant dans les catacombes, t'as qu'à faire des pompes pour garder la pêche. Pick up pour les potes en zonce, des quartiers chauds. Ça rôde la nuit pour tuer l'ennui, ma petite. T'as le kiff, mon cake, mon bif et ma bite, ma biche. Mauvais penchant pour tout ce qui se prend le fret. Les vérités sont bonnes à dire qu'après la baisse, la sauveur pâle sort de mes tripes. Je suis hors de moi devant l'injustice de tous ces hommes de loi. Lui, c'est chum de voir qu'avec lui, les rêves finissent en cauchemar. Il est temps de voir le psy qu'on se marre, parce qu'avec lui, ça crie jusqu'au soir. 2B dans les deux sens, ce type est un bidon d'essence exposé à la puissance du feu. Fou de rage envers les vautours qui veulent ma carcasse sur le béton. La rose du bitume a perdu ses ronces. Son bon sens rongé de l'intérieur, sa peine de cœur le fissure. Mais la rancune ne cicatrise pas les blessures. Aucune symétrie dans nos vies, car le système que je méprise a fait de nous des martyrs. Il me reste plus qu'à partir. Le cœur balafré comme Joe. Si la torture est mentale, la torche humaine se déchaîne mal. C'est un homme impulsif. S'il frappe sa femme, regrettant par la suite en lui disant je t'aime, ma puce. C'est un homme impulsif. Un vent de froid sur un cœur de Gulliver qui ramène l'hiver en Floride. C'est un homme impulsif. S'il aime crier, il ne supporte pas les regards mal placés. C'est un homme impulsif. Il se met dans des états qui lui épousent la santé. Il serre les dents, les prunelles enflammées. Il serre le poing comme sur la chaîne peau. Son esprit serein, t'y a plus rien de serein. Tu cherches à effacer quoi avec la seringue. Ce dingue démarre au quart de tour, carbure à l'oseille. Il demande à la France de l'aimer, mais elle ne veut toujours pas jouir. Donc faudra Frollo la baiser encore. Pour ça faudra rester en forme, rester dehors. Car une peine de prison peut te briser un homme. Absorbé par un tourbillon de folie. Quand il scute, c'est direct la dispute. Lui c'est l'homme qui sait tout, mais qui s'échoue sur des rives trop marécageuses pour que tu fasses de l'aide. Lui c'est dans l'adversité qu'il se fortifie. Qu'il sort aucune pitié d'un regard mort déjà depuis ce fort litige, man. Il défraie la chronique sur vos faits divers. Sur le prolique vénère, ramène l'hiver en Floride. Aussi près de mes adversaires que de mes amis. Quand je baisse la vite, négro, lui c'est pour tirer sur mes ennemis. Chaîne casse souvent calibré, on tire de près, c'est faut que tu payes. Faut pas noyer ses remords en cherchant le fond d'une bouteille. Le cœur balafré comme Joe. Si la torture est mentale, la torche humaine se déchaîne, man. C'est un homme impulsif. S'il frappe sa femme, regrettant par la suite en lui disant je t'aime, ma puce. C'est un homme impulsif. Un vent de froid sur un cœur de Gulliver qui ramène l'hiver en Floride. C'est un homme impulsif. S'il aime crier, il ne supporte pas les regards mal placés. C'est un homme impulsif. C'est un homme impulsif. C'est un homme impulsif. C'est un homme impulsif. C'est un homme impulsif.